Vous avez le droit de vous offrir un bon bol d'air frais parce que vous avez le droit d'agir avec nous. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit de choisir un prêt personnel à impact plus responsable. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. En savoir plus sur nos actions, sur le site, sur la route de vos projets.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur, la Banque Postale Consumer Finance. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, voire conditions en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, La vie de chantier, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'on a toujours voulu savoir ce qui se passe derrière les palissades, au-delà du panneau « Attention, travaux » dans ce balai millimétré où règne une solide hiérarchie. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, des compagnons, des femmes aussi, des casques, de la peinture, un tunnel sous la Manche, des problèmes à résoudre et un homme qui parle de la façon dont le ciment, la poussière et le froid attaquent la peau. Mais pour commencer, deuxième épisode, on entonne un air. À Paris sur petit pont, le pont du couel, le couel du pont. On y fait bâtir maison, le pont du couel, le couel du pont. Oh, le joli petit pont, le pont du couel, le couel du pont. Oh, le joli petit pont, le pont du couel, le couel du pont. Les chantiers. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Les charpentiers qui la font, le pont du couel, le couel du pont. Oh, le joli petit pont, le pont du couel, le couel du pont. Oh, le joli petit pont, le pont du couel, le couel du pont. Il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Lorsque je fais, par exemple, le Mucem. Rudy Ricciotti. Sur le Mucem, il y a autant d'ouvriers, pratiquement, que d'ingénieurs sur le chantier. Est-ce que vous vous rendez compte? On croisait des gens tous en bleu de travail avec le casque, ce sont des ingénieurs. Pour la passerelle du Mucem, par exemple, vous la connaissez, cette passerelle. Bon, il faut un ingénieur pour faire les études généralistes, un ingénieur pour faire les études d'exécution, un ingénieur pour faire les études en soufflerie, un ingénieur pour traduire les résultats d'études en soufflerie en physique des solides, un ingénieur pour calculer les conséquences de l'aéroélasticité sur les amortisseurs de masse accordés. On est déjà à 5. Puis après, il faut un ingénieur directeur de travaux, un ingénieur qui fabrique le moule, un ingénieur qui réalise les voussoirs en usine, puis un ingénieur qui stabilise les échafaudages, puis un ingénieur qui c'est incroyable, un ingénieur qui contrôle les voussoirs lorsqu'ils sortent du démoulage, comme des glaçons, pour vérifier la planimétrie, parce qu'il faut qu'on ait une planimétrie parfaite comme un carter d'automobile pour éviter l'excentration des efforts. Vous voyez, on est déjà à 10 ingénieurs. Et les passerelles ont été validées, réalisées avec 8 ouvriers. Dans les acteurs du travail, c'est quelque chose qui évolue de manière très, très nouvelle. De plus en plus, les acteurs in situ sont des gens d'un très haut niveau d'études, un peu comme sur un sous-marin. Vous savez, sur un sous-marin, le niveau d'études est très, très, très élevé. Hein. On n'a pas... C'est pas au CAP. Hein. Même le cuisinier sur un sous-marin, il est bac plus. Lorsque vous évoquez un nombre d'ingénieurs égal au nombre d'ouvriers, quelles sont les relations? Est-ce que c'est des relations très fortes d'autorité? Alors oui, mais ce sont des relations très fortes de fraternité. J'évoquais le sous-marin. Vous savez, dans un sous-marin, j'ai un gendre qui est sous-marinier. Vous imaginez, officier sur un sous-marin, il me raconte. Mais il y a une solidarité entre le commandant et jusqu'au matelot... Aux mariniers moins gradés. C'est pareil dans le bâtiment. La hiérarchie se fait au prorata des compétences et des savoirs et des expertises. Elle ne se fait pas au travers du titre. Voilà. La solidarité se fait par un arbitrage naturel. On voit qui c'est. Parce que nous faisons un métier dans le bâtiment où il s'agit tous ensemble de prendre la responsabilité, mais d'abord l'architecte de prendre des responsabilités, de se mettre en danger au lieu de mettre en danger les autres. Ne pas mettre en danger les autres, c'est ne pas mettre en danger l'entreprise. C'est ne pas mettre en danger le client. C'est ne pas mettre en danger les utilisateurs. C'est ne pas mettre en danger les ouvriers. Sur chaque chantier, il y a toujours au moment de la pose de la première pierre, quelqu'un qui dit « Bon, vite, vite, vite, on est pressé que ce chantier soit réalisé le plus vite possible. » Systématiquement, je reprends le micro et je dis « Je ne suis pas d'accord. » L'objectif, c'est zéro accident. Zéro mort. La sécurité, d'abord. Et si l'on veut des beaux ouvrages, il faut laisser le temps aux gens, aux ouvriers, aux techniciens, aux chefs d'équipe, aux chefs de chantier, aux contre... toute la chaîne de commandement de faire un bon job. Il faut les aimer, les gens, un peu. C'est un peu ça qui manque aujourd'hui, non ? Vous mettez le gilet, le casque, et puis il y a une paire de lunettes pour chacun de vous. Et si vous voulez mettre des affaires dans le coffre, en attendant, n'hésitez pas. Alors ça va, t'es jeune, hein? Ça se passe bien. Vous êtes... La radio. Ah, ok. Et vous êtes... Moi, agent de sécurité tunisien. J'ai fait ce bagnon ici. J'ai vérifié les voitures, les camions, tout ça. Les gens qui ont entré, il faut vérifier les badges. Oui. Voilà, c'est ça. Moi, je travaille un matin jusqu'à 14h, après changement de mes collègues qui arrivent à 14h jusqu'à 22h. Et vous commencez à quelle heure le matin ? 6h. 6h le matin. Ouais. Ici, jusqu'à 22h, c'est ferme la, oui. Les portes. Et à 6h le matin, commencez à travailler. Merci beaucoup. De rien, merci. Bon courage. Ben, merci. Au revoir, merci. Pour constituer une équipe, vous veillez à ce qu'il y ait des niveaux de qualification différents afin que ceux qui en savent moins apprennent de ceux qui en savent plus. Comment vous faites le mélange ? Évidemment, sur un chantier, on a besoin de toute une palette de compétences. Jean-Luc Trottin. Et depuis le directeur jusqu'à l'ouvrier, les compétences s'échelonnent et chacun a son rôle à jouer. Et donc, on va recruter, évidemment, pour constituer l'encadrement, plutôt des ingénieurs, des cadres, des techniciens supérieurs, qui eux-mêmes vont avoir des adjoints, qui vont être plutôt des techniciens, des employés, et puis ensuite, on a les équipes d'ouvriers. Donc, cette constitution d'équipe, elle se fait au début du chantier. On essaye toujours de reconstituer des équipes qui ont déjà fonctionner ensemble, parce que c'est comme une équipe de football ou de rugby, hein, quand on veut que le ballon il se passe d'une main à une autre, il faut que les gens se connaissent bien et ne passent pas leur temps à s'écrire des mails, et il faut que ça communique rapidement. Hein. C'est un peu la règle, c'est un peu sur un chantier, encore une fois, je ne veux pas employer le terme de « c'est un monde d'hommes », parce que c'est de moins en moins un monde d'hommes. Mais c'est un monde d'êtres humains qui doivent travailler ensemble. Voilà. Alors, on s'écrit énormément de mails, ça c'est sûr. Mais en même temps, ça reste très, j'allais dire, tactile. Voilà, c'est un peu, on est dans le comportement, faut que ça avance, quoi. Hein. Même si on est policé, réfléchi, et qu'on se comporte très bien, c'est peut-être aussi l'évolution qui fait qu'on est moins rugueux qu'à une certaine époque. Le monde des travaux en général et des travaux souterrains n'est pas un monde de cow-boy. Hein, c'est un monde où on sait se tenir, mais en même temps on se coltine des sujets, des circonstances, des événements qui sont parfois si important, si compliqué, si complexe à résoudre, que c'est le caractère de chacun qui va faire que la situation va se débloquer. Et quand je dis caractère, ça peut être aussi des idées, des et si on faisait comme ça, et pourquoi pas, et etc. On est aussi, et c'est ça qui est très plaisant, sur un métier où c'est pas écrit d'avance ce qui va se passer. On est en souterrain, on a une machine qu'on doit faire avancer, mais la machine elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle va creuser. Mais avec toutes les reconnaissances qu'on a pu faire, on est un peu dans la découverte. chaque jour est un jour différent. Voilà. Et donc ça, c'est passionnant. C'est passionnant aussi quand on a des ennuis et que ben, le jour d'après, on a trouvé la solution. Ça, c'est sympa. Et c'est, la solution peut aussi venir de l'ouvrier qui aura la meilleure idée. C'est pas forcément le chef qui a l'idée. Et c'est pas forcément l'ingénieur. C'est rare. C'est souvent l'ingénieur qui dit on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais la réponse du terrain à l'idée qu'on avait pour s'en sortir, elle n'est pas forcément celle qu'on attendait. Et donc l'interprétation en temps réel sur le terrain, ça va être souvent les ouvriers qui vont dire non, mais oui, chef, vous nous aviez dit de faire comme ça, mais finalement, il s'est passé ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Et il y a une discussion qui s'instaure, un échange, et souvent, c'est à plusieurs qu'on trouve la solution. Ici, un nouveau quartier ultramoderne est en train de naître, dans une ville en voie d'évolution. C'est la plus vaste opération de rénovation jamais entreprise dans Paris. Il s'agit d'une expérience unique en pleine capitale. Un vaste ensemble, commercial, résidentiel, avec des services publics. 1969. Dans ce nouveau quartier d'affaires, Montparnasse d'aujourd'hui préfigure demain et l'an 2000. Depuis près de 3 ans, des milliers de Parisiens apprennent à vivre dans ce Paris des temps modernes. La tour de Maine Montparnasse, de conception audacieuse, qui sera, comme on l'a dit, le clocher de l'ensemble, a été l'objet d'une bataille assez âpre qui a opposé souvent partisans et détracteurs. Monsieur François Hébert, président-directeur général de la CEMAM, cette tour a été pensée et repensée par les architectes. Oh, il y a eu énormément de projets. Il y a eu d'abord, dans la première période, il y a eu de 56 à 1958, il y a eu au moins 36 avant-projets différents. Elle a été ronde, elle a été rectangulaire, et maintenant, où en est-elle? Maintenant, elle est ovale. Elle est ovale, elle a une forme en amande. Cette forme en amande a été voulue par nos architectes en 1965, pour justement éviter l'effet de mur qu'on aurait pu craindre de la part d'une tour trop verticale et trop rectangulaire. Fonction ici, c'est superviser le démontage, superviser la soudure. Là, on va faire la première phase, on va couper la roue de coupe en trois morceaux, refaire les chanfreins d'origine pour qu'elles puissent servir sur un autre chantier. Et après, une fois qu'on a fini ça, on démonte toute la partie bouclier, quoi. Voilà. Et votre spécialité, ce sont les tunneliers. Le lien, ouais, ça fait 30 ans que je fais ça, que je fais du déplacement un peu partout. Voilà, et il me reste plus qu'une année et pour moi c'est fini. Voilà. Ici c'est un petit chantier pour vous ou pas? Oui. Non, oui. À Paris j'en ai fait un gros à Socatop, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Socatop, la machine elle faisait 15 mètres de diamètre. Elle avait les deux systèmes, elle avait le système de l'aspiration et le système de la vis. Elle était énorme, la machine. C'est à peu près le double de celle-ci, c'est 15 ça 15 mètres, elle a fait 8 mètres, ouais, 8 mètres ouais, à peu près, le double. Voilà. Pourquoi vous aimez votre métier? J'ai toujours fait que ça, ouais. La moitié de ma vie, c'est ça. Et je fais beaucoup de déplacements, et voilà, c'est comme ça. C'est un engrenage. J'ai une famille, j'ai des enfants, voilà. Et vous aimez bien être en bas? Tout en bas, là, sous terre, Oui, ça me gêne pas. Il n'y a pas de risque, hein. Moi, à 30 ans, j'ai jamais vu de risque, hein. La machine, quand elle creuse, elle installe l'anneau. Derrière l'anneau, on injecte du béton. Là, ça risque rien du tout, hein. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est devant la roue de coupe, quand ça creuse, ça... On n'y est jamais devant, quand ça creuse. Tout est fermé. Il n'y a que là le problème, autrement derrière, ça risque rien du tout. Il peut y avoir de l'eau qui sort un peu à droite à gauche, mais c'est rien ça. Jack Lang a effectué ce matin un voyage dans le temps. Il a visité les fouilles qui sont entreprises sous la cour carrée du Louvre et sous la cour Napoléon, où doit être érigée cette fameuse pyramide transparente, des fouilles qui ont permis de découvrir des vestiges de l'ère carolingienne, des ruelles du Moyen-Âge et des objets usuels de nombreuses époques. Le reportage de Philippe Royer. Les deux cours du musée du Louvre, la cour Carrée et la cour Napoléon, sont en effet livrées depuis quelques mois aux mains des terrassiers et des archéologues. Ils sont en train de dégager les vestiges de plusieurs siècles, depuis le Paris médiéval de Philippe Auguste jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Les bâtiments du Louvre actuel y ont pris forme à partir de cette époque. Le chantier de la cour Carrée est certainement le plus impressionnant. Les terrassiers ont déjà mis à jour les soubassements d'une place fortifiée construite sous Philippe Auguste à la fin du XIIe siècle, en l'occurrence le donjon principal. Les moyens matériels mis en sont importants, les fouilles doivent aller vite et être terminées dans 2 ans maximum pour ne pas retarder l'aménagement du Grand Louvre tel qu'il est prévu. Je m'appelle Marc Elmarge, j'ai 23 ans et j'ai commencé en février en tant que conducteur de travaux, responsable de travaux chez Environnement Services Construction. Donc mon métier consiste vraiment à l'organisation entre toutes les prestations qui sont en cours, et ça peut varier de la maçonnerie jusqu'au placo, peinture des fois. Donc c'est la coordination entre tout pour bien assurer la fluidité des travaux en cours et bien respecter les délais, bien respecter la qualité. Il y a les trois objectifs, si vous voulez, en fin de chaque chantier, c'est bien garder la qualité, le coût et les délais. Vous passez combien de temps dans votre journée sur le chantier ? Donc ça varie, ça varie beaucoup. Des fois, il y a des semaines où vraiment il y a plus du travail administratif que être sur le chantier. Mais je peux dire, c'est 80-20, donc 80% sur le chantier. Au téléphone, on peut le faire, c'est faisable, mais au téléphone, il y a plein de mensonges en fait dans ce domaine. Donc des fois, ils peuvent nous dire que ils sont là, mais en fait, ils sont pas là. Et donc c'est ça en fait, c'est mieux d'être sur place, être derrière tout le monde, un peu taper à la main si besoin. Et donc c'est ça, c'est généralement ce que je fais, c'est ma journée commence à peu près à 6h. C'est des horaires un peu chauds. Je suis dans le bureau 7h à peu près, donc je fais 1-2 heures de préparation, de gestion de mail, voir en fait qu'est-ce qu'il y a en cours, préparer la journée, passer sur le chantier où je dois y être. Normalement, je reviens au bureau à la fin de la journée, comme ça pour faire le point avec mon patron. Mais des fois, c'est pas besoin parce que il y avait pas d'aléas, il y avait pas de problèmes que j'ai rencontrés durant la journée, donc je retourne chez moi. Ça fait 3 mois que je suis jeune diplômé en fait. Je suis tout fraîche. Donc il y a tout le temps des imprévus sur les chantiers. Mon travail est basé sur les imprévus. Parce que ce que je suis en train de voir aussi, c'est que vraiment, il y a une grande différence entre théorie et ce qu'il y a sur place. Ce qui est actuel, moi, je viens de diplômer, donc je suis vraiment en théorie et plan, code, dimension, vraiment être vraiment la théorie, quoi. Ce que j'ai appris de mes cours, je l'applique directement. Mais le retour que j'ai de tout le monde, de tous les ouvriers, de tous les autres conducteurs, de tout le monde qui est sur place, c'est que, oublie tout ce que tu as étudié à l'école, la pratique, c'est pas du tout la même chose. La pratique, c'est vraiment anticiper, régler les imprévus en urgence directement, être réactif, trouver des solutions, et la polyvalence est très importante. Et c'est pour cela, en fait, j'ai aimé, je suis rentré dans ce domaine, parce que vraiment, comme vous avez dit, on fait du placo, de la peinture, du carrelage, de la maçonnerie, des grosses œuvres. Donc c'est vraiment, je vois tout. Et c'est ce que je cherchais un peu. Parce que la polyvalence est très importante pour le futur. Ça ouvre un peu la porte pour après. Jacques Audiberti, dites-moi que faire pour que le maçon chante mes chansons. Eh bien, mon petit, va-t'en chez mon père, il te le dira, il était maçon. Dans le vieil Antibes, derrière la mer, il a sa maison, rue du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez, vous découvrez toujours des codes de comportement sur un chantier que vous n'avez pas forcément, et donc est-ce que vous ne cessez d'apprendre comment vous comportez sur un chantier? Est-ce que vous pouvez, si c'est le cas, me donner quelques exemples de comportements vraiment propres à un chantier? Justement, moi, ce que j'aime dans les chantiers, il y a quand même un côté Benoît l'Apostole, très naturel, que je tiens à garder. À la limite, depuis que je suis passé directeur d'exploitation, je dois presque, au contraire, me penser à garder justement par moment une distance liée au poste. C'est voilà, il n'y a pas forcément de code, en tout cas hiérarchique, très fort. Et à l'inverse, voilà, on est plus sur le tutoiement. Et encore une fois, on reste une grande famille. Et je dirais que c'est ça qui prévaut avant tout. Je suis peintre décoratrice et je suis avec mes deux collègues qui font également la peinture décorative. Vous travaillez toujours sur des chantiers ou vous arrive de travailler sur des chantiers plus petits, chez des particuliers ? Oui, bien sûr. C'est un peu... C'est polyvalent. Enfin, on accède un petit peu à différents types de chantiers, et, autant en intérieur qu'en extérieur. Et évidemment, ça demande chaque fois des compétences qui sont complètement différentes. Et des connaissances aussi un peu différentes. Et là, on est sur une façade, et puis effectivement, bah, c'est d'autres endroits publics ou privés. Ça dépend. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui. Vous avez des relations avec les autres compagnons du chantier, là, depuis que vous travaillez ici ? C'est-à-dire que vous parlez tous ensemble ou chaque corps de métier reste presque ? Oui, bien sûr qu'on discute ensemble. D'abord, je trouve que c'est extrêmement important de savoir avec qui on travaille sur un chantier, toujours. Et donc, oui, bien sûr, j'ai eu des échanges avec quasiment chacun d'eux, que ce soit les couvreurs ou les maçons ou le pilote. Enfin, voilà, c'est... Et je trouve que c'est passionnant de pouvoir échanger, ne serait-ce que trois mots, pour savoir qui on est et ce qu'on fait. Et oui, chef, est-ce que c'est vraiment le terme qui est employé ? On dit chef, mais on dit chef d'une manière assez, assez sympathique. C'est pas un grade qu'on évoque en parlant à une personne. En général, on se tutoie et on s'appelle par notre prénom. Ça aussi, ça, quand j'ai commencé dans ma carrière, tout le monde se vouvoyait et c'était... Un tel, en citant le nom, vous me ferez ça pour demain. Voilà, ça a beaucoup changé. Le fait que ce ne soit plus uniquement un monde d'hommes a changé, Oui. A compliqué les choses ou pas ? Non, ça n'a pas compliqué les choses, me semble-t-il. Ou si ça l'a compliqué, c'est en nous demandant à nous... les gars de chantier, entre guillemets, de faire attention à nos expressions, parce que on pouvait se laisser aller à un vocabulaire un peu rustre, alors que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait attention à utiliser quand même des manières de parler, de se comporter, qui permettent à nos jeunes ingénieurs, parce que c'est souvent des jeunes ingénieurs, ou des techniciennes, rarement des ouvrières, mais nous en avons quelques-unes. Ça leur permet d'être intégrés et de... Il faudrait leur poser la question pour savoir si effectivement on est toujours très du bon côté de la ligne blanche, mais globalement je pense que oui. Un chantier, il a un sens, il est fléché dans une direction, il y a un début, il y a une fin, il y a un commencement qui démarre dans l'invisible. Luc Weisman. Et il y a un aboutissement qui est la transmission d'un objet à des gens qui vont l'habiter, à des hommes qui vont le vivre et y travailler ou y dormir ou y habiter d'une façon générale. Et ce passage de cette dimension préalable de conception immatérielle à la transmission de l'objet, c'est un mouvement qui est extrêmement beau et qui est universel. C'est dans ce sens-là où je le trouve très beau. Sans être lyrique, j'ai pas envie d'être trop lyrique non plus, parce que s'il y a quelque chose de très pragmatique, quand on est architecte, on est extrêmement pragmatique, on se coltine des réalités concrètes, du réel en permanence, évidemment. Mais je pense que c'est important que ces réalités-là soient transcendées d'une certaine façon, dans une autre dimension. Peut-être que ce qui manque actuellement à notre époque, C'est cette forme de transcendance, entre guillemets, dans cette notion d'un but partagé, une conscience de quelque chose en commun, qu'on a perdu provisoirement, j'espère, qu'on retrouvera si on s'y attache. Et le chantier, il est un peu cette figure, comme une... C'est une épopée, chaque chantier est une épopée. Et elle démarre dans une espèce de dispersion, une espèce de calme, un silence. Et puis il y a une convergence de personnes, d'actions, de compétences, de savoirs qui est tout à fait extraordinaire. Et puis après cette convergence, il y a une dispersion progressive et chacun repart. Et avec souvent une certaine tristesse. Il y a une espèce d'abandon à la fin du chantier qui est très belle et qui est partagée, je pense, par tous les hommes du bâtiment, même si ce sont des gens silencieux. Ça ne les empêche pas de vivre des choses très fortes qui n'expriment pas forcément verbalement. Simplement. Vous êtes maintenant conducteur de travaux. Alors, Jean-Luc est conducteur de travaux et je suis chef d'équipe. Comment faites-vous avec l'autorité? Parce que je suppose qu'il faut en avoir. Alors, c'est difficile. Il faut arriver à un certain équilibre entre l'autorité et puis, je dirais pas être amical, mais on est quand même des collègues de travail. On est sur les mêmes projets, on a les mêmes soucis. C'est aussi difficile pour eux que ça l'est pour moi. Donc il faut qu'on arrive à se comprendre et puis à travailler main dans la main. Il y a des fois où ça pète, hein, parce qu'il faut avoir une certaine autorité. Et puis il faut aussi garder à l'esprit qu'on ne fait pas le chantier tout seul. Donc si on commence à n'être que dans l'autorité, les gens qui sont avec nous en fait n'ont pas envie de venir nous aider et de travailler, de faire la petite demi-heure de plus le soir qui fait que ça va bien se passer. Il faut arriver à motiver les gens. Donc on est un peu, je dirais pas les papas et les mamans du chantier, mais des fois on n'est pas loin. Mais puis bah, papa, des fois il se fâche. Jean-Bernard Payet. Mais ça reste très limité dans le temps. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... Puis surtout on reste poli même quand on se fâche. Est-ce que vous discutez de la vie privée, de vos vies privées? Lorsqu'il y a tout des pauses. Des personnels avec qui on est. Forcément, comme dans la vie de tout le monde, on crée des liens un petit peu plus importants avec certains qu'avec d'autres. Et avec cela, bah oui, ça nous arrive. On parle de nos enfants, on parle de ce qu'on a vécu quand on était plus jeune. Ouais. Vous, Jean-Luc Lemoine, quel conducteur de travaux êtes-vous? Alors, en tant que conducteur de travaux, responsable de travaux même en Île-de-France, donc j'essaye, tant bien que mal, on va dire, de faire appliquer les règles, de transmettre mon savoir, de bien organiser les choses, d'être à l'écoute surtout, parce qu'on a aussi une vie. Les charpentiers, vous pourrez apprendre ailleurs aussi, c'est une grande famille. Il peut y avoir un charpentier qui arrive là, qui n'est pas de notre entreprise, il sera accueilli comme un frère, on va dire. Il pourra nous rendre service, on pourra lui rendre service. On partagera ensemble notre expérience. Et c'est vrai que les métiers du bois, aujourd'hui, on parle plus de métiers du bois que de charpentiers. Et on aime transmettre notre savoir. Et faut être passionné pour faire ce métier-là. Et on est là pour organiser et que ça se passe bien pour tout le monde. Que l'objectif, c'est que le client soit ravi, que notre équipe ait travaillé en bonnes conditions, qu'ils aient tout ce qu'il faut. Et quand ils se retournent le soir, ils regardent ce qu'ils ont fait dans la journée, qu'ils ont le sourire. Il n'y a pas de femme. J'en ai connu. Très peu. J'en ai connu deux, d'ailleurs, en Drôme. C'était des jeunes adultes qui avaient fait une formation en CFA, charpentier, qui n'ont de limitation que par le physique, en fait. Mais en technique, il n'y a aucune différence entre une femme et un homme. C'est là-dedans que ça se passe, en fait. Après, c'est les charges. Mais c'est souvent des personnes qui sont un petit peu plus fines, qui ont un regard un petit peu plus acéré sur certaines choses. Et du coup... On les met pas forcément justement à porter du lourd, mais plutôt dans l'organisation et c'est pas mal quoi. C'était un monde trop masculin. C'est très masculin. Après, trop masculin, je sais pas, mais en tout cas, c'est très masculin. Aurélie Ouzineb. Alors sur les chantiers participatifs, dans les bénévoles, il y avait quand même pas mal de femmes. Mais dès qu'on passe en chantier professionnel, parce que du coup, après, comme j'ai passé mon CAP, c'était dans des entreprises. Donc là, dans les entreprises de charpente, j'ai très rarement travaillé avec des femmes. Ça m'est arrivé, mais c'était une stagiaire. J'ai jamais eu de supérieure femme. J'ai jamais eu de chef d'équipe femme. Mais après, je travaillais avec des collègues hommes. Et au début, j'avais un peu des a priori, mais qu'en fait, je me mettais moi toute seule et ça s'est très bien passé, et c'était rigolo de se rendre compte en discutant avec les collègues qu'eux aussi avaient des a priori, et qu'en fait, en travaillant ensemble, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de raison de se poser des questions ou de créer des problèmes qui n'existaient pas, et que ça se passait très bien. Voilà. Vous avez été chez les Compagnons ? J'ai passé mon CAP chez les Compagnons pendant un an, et ensuite, comme ça me plaisait, et l'ambiance aussi chez les Compagnons disons, on va dire, pas une émulsion, mais un esprit de corps. Enfin, une énergie, on va dire, d'envie d'apprendre et d'être à fond dans son métier et en changeant d'entreprise, de région, ça m'a plu. Et donc, j'ai fait après un an de Tour de France. Donc, j'ai finalement arrêté. Normalement, ça dure plus longtemps, les Tours de France avec les Compagnons. Entre 6 et 10 ans en tout, parce qu'on fait. On passe vraiment dans plusieurs villes pour apprendre. Ensuite, il y a l'étape de réception. Et ensuite, on a des devoirs où on rend ce qu'on nous a donné, où on est soit formateur, soit encadrant de jeunes. Et donc, moi je n'ai pas été jusqu'au bout de ce parcours-là. J'ai fait seulement donc 2 ans chez les Compagnons. Mais ensuite, j'ai continué à travailler dans d'autres entreprises, dans plusieurs régions. Voilà, mais toute seule, on va dire. Bonjour. Couverture zinguée. Et vous ? Pareil. On est de la même équipe. Vous travaillez depuis combien de temps vous faites ce métier ? Oui. Oh, moi, ça fait. Ici, ça va faire 3 mois. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Toi, pareil, toi, ça fait 5 ans. Ah ouais, ça va faire 5 ans. Ouais, 5 ans. Un peu de monuments historiques, un peu. C'est sympa, ça change. Des églises. Après, pas connues, mais des églises, ouais. Des clochers, des églises. Des bâtiments semblables à ceux-là, hein, qui sortent de l'ordinaire. Mon père a eu une entreprise pendant 40 ans de couverture, bah, je suis rentré dedans, puis depuis, bah, je fais que ça. Mais tout petit déjà, c'est ce qui me plaisait. J'allais avec mon père sur les chantiers, j'apprenais. Les vacances, tout. C'est comme ça que c'est venu, après. Puis ça me plaît. C'est pas toujours la même chose, c'est pas répétitif ce qu'on fait. Chaque chantier est différent, chaque situation est différente. Voilà, c'est. Puis le résultat à la fin surtout. On voit, on a une fierté quand on repasse devant des bâtiments qu'on a fait, on a une fierté. Voilà. Alors moi à la base j'étais en maçonnerie, donc j'ai fait mon apprentissage, un CAP, un BP en maçonnerie, puis ensuite j'ai cherché un peu à. Je suis passé par une boîte d'intérim qui m'a redirigé vers une boîte de couverture, et puis de là bah, j'ai trouvé ma voie. Donc ouais, ça va faire quelques années que je suis dans la couverture, mais à la base je suis dans la maçonnerie. Voilà. C'est sûr, ouais, tout ce qui est théorique, tout ce qui est école, c'est bien. Mais ce qu'on apprend sur le tas, c'est totalement différent. Chaque jour on en apprend. Chaque jour est différent. Ouais, c'est ça. Il y a des mots propres au métier de couvreur ? Si, quand il pleut, on en a quelques-uns, oui. Mais c'est les paroles des Compagnons. Bah quand il pleut, c'est pleuviou, seigneur, c'est le repos du couvreur. Voilà, c'est un chantier, on sait quand on arrive, on voit comment il est, selon les matériaux qu'on utilise, voilà, c'est pour ça que c'est différent. C'est jamais la même chose. Que ce soit église, maison, bâtiment ancien comme ça, c'est tout. C'est l'avantage de ne pas être dans un bureau. C'est pas toujours faire la même chose. Nous, c'est toujours différent. On en apprend tous les jours. Même des matières, des nouveaux produits surtout, même si on n'est pas très vieux. C'est vrai. Vous avez quel âge ? Moi j'ai 30 ans. Et moi 21. Ah ouais, c'est un autre chantier pour voir l'avancement. Pensez-vous qu'il existe des caractères propres à chaque profession ? Un caractère pour les couvreurs, un caractère pour les charpentiers, un caractère pour les électriciens ? Alors oui, c'est vrai qu'on le dit souvent et c'est souvent un peu une blague, enfin, surtout chez les compagnons. Maude. Il y a certains métiers qu'on peut repérer assez rapidement, ouais. Donc après, chez les peintres, je ne saurais pas dire quel est le caractère. Alors historiquement, on disait que les peintres, c'était des gens, des personnes assez joviales, enfin, des bons vivants. Après, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que chaque métier, par exemple les charpentiers, ça va être très intermétier, très carré. La blague, c'est souvent avec les... Par exemple, les serruriers, c'est souvent garçons aux cheveux longs qui aiment le métal. Bon, c'est très caricatural, mais c'est souvent assez drôle. Après, par exemple, les tailleurs de pierre, ça va être un peu plus des rêveurs, un peu plus poètes. Donc après, c'est souvent vrai, pas toujours, mais c'est assez drôle. Pourquoi c'est la charpente que vous avez choisie et pas la maçonnerie ? Ça, c'était un peu le fruit du hasard. D'abord, mon père est maçon et je détestais la maçonnerie parce que donc, je l'ai aidé quelques fois sur des chantiers. Arthur Lockmann. Pendant mon adolescence, je détestais la sensation de l'eau mêlée au ciment qui est extrêmement agressive, acide pour les mains, qui vous ronge la peau. J'aimais pas l'odeur du ciment. Enfin, c'était quelque chose, un univers qui m'était complètement étranger. Mais c'est aussi le fruit du hasard, dans le sens où, au moment où j'ai voulu m'inscrire, sans vraiment savoir en quoi, je me suis renseigné auprès du centre de formation des compagnons qui se trouvait à côté de là où j'habitais, à Anglette, dans le Pays Basque. Et deux formations seulement commençaient à peu près au moment où je le souhaitais, électricité et charpente. Alors c'est deux types de métiers qui ont une certaine... elles ont toutes les deux quelque chose qui les distingue ou qui les singularise. L'électricité, c'est un peu ce qu'il y a de plus abstrait dans le bâtiment. On est à la fois en contact avec la matière, mais c'est une matière pas très noble, comme le plastique qui entoure les câbles. On a principalement affaire à du plastique, mais il y a cette abstraction qui en fait un peu une forme d'intellectuel du bâtiment. C'est en tout cas comme ça qu'ils sont considérés dans la hiérarchie des corps de métier sur des grands chantiers. Et à l'inverse, ou je sais pas, dans un autre sens, la charpente, c'est aussi une forme d'élite ou de noblesse du bâtiment, puisque c'est à la fois en hauteur, il y a aussi bien sûr cette parenté avec le Père de Jésus qui, qu'on le veuille ou non, imprègne notre imaginaire de la charpente. Et puis, c'est le travail du bois, de ce matériau vivant, pour faire apparaître un espace, pour donner naissance à un espace. Et donc, il y a là aussi quelque chose de singulier qui fait de la charpente, qui donne une forme de singularité. Il me semble qu'il contribue aussi au statut particulier de la charpente, le fait qu'elle ait un certain rapport avec l'abstraction, dans la mesure où il faut concevoir des espaces en trois dimensions, et que ça demande une capacité de vision dans l'espace, ce qui indique d'une certaine manière que même parmi les corps de métier du bâtiment, des métiers de la matière, cette distinction entre abstraction et concret demeure une hiérarchie qui place l'abstraction au-dessus du concret. Est-ce qu'il y a une hiérarchie d'un métier par rapport à l'autre ? Par exemple, les charpentiers sont davantage considérés comme des artistes que les maçons ? Je pense qu'il y a ce côté-là. Après, j'ai un point de vue de charpentière, donc forcément, qui est sûrement un peu biaisé. Mais c'est vrai que les charpentiers ont la réputation d'être assez fiers. Et... chaque métier est quand même très fier de son métier et chacun pense que son métier est mieux que celui du voisin, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, ceux qui adorent leur métier pensent que leur métier est mieux que celui du voisin. Mais c'est sûr que le charpentier a un côté fierté parce qu'il va travailler en hauteur, il va faire la structure du bâtiment. Voilà, il y a ce côté-là, oui, très fier des charpentiers qui peut un peu exaspérer les collègues de temps en temps, mais bon, faut savoir reconnaître la valeur du travail des autres aussi. Sur le plateau Beaubourg à Paris, c'est l'achèvement du gros œuvre du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, dont la création avait été décidée en 1969 par l'ancien président. La dernière poutre a été placée avant-hier, le bâtiment lui-même est terminé, il reste les aménagements intérieurs. Tout devrait être fin prêt pour 1976, dans les derniers mois de l'année 76, ce sera alors l'inauguration. Et ce matin, pour marquer cette première étape, le Premier ministre visitait le chantier en compagnie de Madame Pompidou, très émue par cette visite, et en compagnie de Michel Guy également. Je n'imaginais pas que le résultat puisse être aussi positif. 1975. Je trouve que sur le plan architectural, ce sera très certainement l'une des grandes choses de Paris pour les années, et même probablement pour longtemps maintenant. Je crois également que sur le plan de la conception de l'œuvre d'ensemble, cela permettra à la France, qui avait pris, contrairement à son histoire, un certain retard dans le domaine des arts, de la création, de retrouver cette place qui doit être la sienne. En bref, je crois que c'est vraiment un geste essentiel qui marquera profondément l'histoire du XXe siècle pour la France, et je m'en réjouis beaucoup. Moi, je suis Victor Fellbach. Donc j'ai fait un an de pendant chef de poste. Moi, je suis un peu soufflé parce que j'ai monté le puits. Et donc bah, du coup, je fais un an de chef de poste sur la machine. Donc je suis arrivé après mes études qu'on a posé le troisième anneau. Et auparavant, j'avais fait le stage de fin d'études pendant le montage de la route coupe. Donc j'avais vu aussi également la route coupe descendre, mais au puits d'entrée du coup. Voilà. Quel âge avez-vous ? Donc moi j'ai 23 ans, j'ai bientôt 24 ans. Voilà. Chef de poste, c'est quoi chef exactement ? Chef de poste, donc du coup, bah, c'est s'occuper bah, de l'équipe. En gros, là actuellement, quand on faisait en croisement, on était en 5 postes pour passer sous le landi en 24 sur 24. Et du coup, on chef de poste, on gère une équipe, donc une vingtaine de 20-25 personnes. Donc il s'agit de la surface, de la centrale à mortier, du fond de puits, pour l'acheminement des voussoirs, du mortier. Ensuite, c'est également bah, sur l'équipe, sur la machine, donc le pilote, la pose des voussoirs et tout ce qui est montage, servitude à l'arrière de la machine. Voilà. Et là, maintenant, bah, je donne un coup de main à l'équipe production en encadrement. Voilà. Vous avez déjà assisté à une levée de roue de coupe ? Bah, j'ai assisté du coup à la descente de la roue de coupe, mais la levée, non, bah, du coup, c'est la première fois. Bah, c'est sûr que c'est toujours... on la voit descendre d'un endroit et puis après, on la voit remonter d'un autre endroit et que c'est nous qui avons, bah, tous ensemble, en équipe, on avons bâti ce tunnel. C'est sûr que c'est toujours émouvant de faire ça. Ma formation initiale, ça a duré 4 ans. Donc j'ai fait 2 ans de BEP et 2 ans de bac pro. Après les 4 ans d'études dans un lycée professionnel, j'ai voulu me perfectionner. Et c'est là où j'ai intégré les Compagnons du Devoir pour faire un Tour de France. Donc ce Tour de France a duré 7 ans. Après, ça n'a pas été forcément 7 ans complets de formation. C'est vraiment pendant ces 7 ans, on est salarié. Et en parallèle de ce travail, on va suivre une formation. Du coup, j'ai eu des chemins un peu qui se sont modifiés en cours de route. J'ai d'abord voulu faire un diplôme de conducteur travaux, qui a duré 3 ans. Et à la fin de ce diplôme, je me suis rendu compte, après une expérience de 3 mois, que la vie en bureau, c'était vraiment pas fait pour moi. Et je me suis orientée vers le décor. Et c'est là où j'ai suivi une formation, une mention complémentaire peinture décorative, où là j'ai vraiment su apprécier les bases du métier. Et donc toutes ces formations sont inscrites dans mon Tour de France. Donc ça veut dire que tous les ans on change de ville, donc on change de ville, d'entreprise, pour en fait changer un peu de cadre de travail, changer de collègues, d'entreprise, de ville, ce qui va faire qu'on va toujours se remettre en question, sortir de sa bulle. Et ça va nous permettre de s'adapter très vite et d'évoluer, je pense, à une vitesse plus rapide que quand on reste toujours au même endroit. J'ai fait maçonnerie. Là, c'est bétonnière pour préparer le col, béton, etc. Voilà. Oui, à peu près, ça fait 8-9 ans que je suis dans le bâtiment. Ouais. Avant, je me coupe avec les moutons, les animaux, comme ça, avec mon père. Vous habitiez où ? J'ai habité en Turquie, mais je ne suis pas turc. Je suis kurde. Et je suis content depuis que je suis en France. Parce qu'il y en a beaucoup d'occasions. Et en plus, j'aime beaucoup les gens français. Ils sont gentils. Ce qui ne me fait pas content, il y a beaucoup les étrangers qui voulaient venir en France. Même il y en a 80% mourir pour venir en France. Dès qu'ils ont une fois installé ici, et ils ont bien, il y a l'argent, tout ça, ils ont parlé mal, ça ne me fait pas content. Parce que par rapport aux oblettes, tout ça, ici en France, c'est très bon. D'abord, grâce de Dieu et grâce de la France, on est bien. Je commence à 8h jusqu'à 16h30, 17h. Voilà. C'est pas du marbre, tous ceux qui se coulent, se moulent, se roulent en boule, c'est pas du bronze. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous le demande, alors qu'est-ce que c'est? C'est de là, c'est de là, c'est de là, c'est de là, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Il y avait plein de métiers possibles et c'est vrai que le métier de charpentier, je pense que je l'ai préféré parce que j'y voyais peut-être le lien aussi avec l'architecture. Enfin, le fait que la charpente, ce soit vraiment la structure, enfin, en tout cas, quand un bâtiment est fait en structure bois, c'est vraiment la structure du bâti. Et je pense qu'on peut y retrouver un peu le même feeling d'organisation de l'espace et de structure du bâti. Si je m'étais intéressée, par exemple, que à la couverture, je trouve ça très intéressant, la couverture, mais on vient juste se poser sur le bâtiment pour le rendre étanche sur le toit. Et on n'a pas cette conception globale du bâtiment. Dans un bâtiment en structure bois, on pense vraiment la forme, par où vont être les fenêtres. Du coup, je pense que c'est ce côté-là, cette relation avec le côté architecte qui m'a plu, même si sur le coup, je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Et aussi, je pense le matériau, la façon de travailler le matériau, j'ai plus d'affinité avec les outils et ce matériau-là. Par exemple, la maçonnerie aurait pu me plaire aussi, parce que la maçonnerie, on est aussi dans l'enveloppe du bâtiment, dans la conception globale du bâti. Mais techniquement, travailler la maçonnerie, j'ai trouvé ça très intéressant, mais très ingrat, je trouve, parce que c'est très humide, parce qu'on fait toujours des mélanges avec de l'eau et tout ça. Je trouve ça beaucoup plus long, et ça demande beaucoup de patience, je trouve, même si j'apprécie de faire ça, mais en fait, je m'étais dit que j'apprécierais pas forcément de faire ça tous les jours dans mon métier. Faire ça ponctuellement, j'apprécie. Mais c'est vrai que c'est complètement différent comme approche de matériaux et comme quotidien de toucher de ce qu'on fait concrètement. C'est différent. Ouais. Donc c'est pour ça que la charpente, ouais, ça m'a attirée. Puis monter tout en haut, c'est chouette aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des métiers qui attirent et qui se disent « Ah tiens, j'aurais pu faire ça ». Après... Je sais que j'avais énormément hésité avec tapissier, par exemple. C'était un métier qui me plaisait et finalement, ça s'est pas fait. J'ai été peintre, bon, je regrette pas. Mais ça, c'est vrai que souvent, quand on va voir les autres travailler, on se dit « Ah, finalement, c'est pas mal aussi ». On découvre beaucoup de métiers aussi qui sont méconnus. Il y a pas mal de métiers. Enfin, par exemple, je pense qu'avant les compagnons, le métier de sellier, c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu, même chaudronnier. Après, c'est vrai que c'est des mots qu'on connaît, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Qu'est-ce que font les chaudronniers ? Alors, les chaudronniers, ça va être tout ce qui est industrie. Ils vont travailler le métal en industrie. Après, je saurais mal expliquer réellement, mais ce n'est pas des chaudrons. Comme les selliers ne font pas des selles, mais c'est plus ceux qui travaillent beaucoup en industrie. Ça peut être, par exemple, des cuves immenses à faire en métal, entre autres. Et les tapissiers ont encore du temps. Enfin, c'est encore un métier qui existe et qui se porte bien. Oui. Alors c'est un métier que c'est assez étrange parce que finalement c'est compliqué de trouver un apprentissage dans ces métiers-là, mais il y a énormément de travail. On dit que ça se perd un peu, mais quand je croise sur des chantiers des tapissiers, ils vont avoir du boulot. Énormément de travail, donc c'est un peu compliqué. Je pense que c'est aussi un secteur un peu de niche. Donc une fois qu'on a trouvé sa place, il y a énormément de travail. Mais c'est peut-être un peu compliqué de faire sa place au début. Et pourquoi vous plaît-il tant, votre métier ? Il n'y a jamais de temps d'attente. On a toujours quelque chose à faire, et surtout le fait d'être multicasquette, que ce soit, comme on disait, un relationnel client. On va voir aller directement avec les chefs de chantier ou en direct avec les compagnons. On voit toute la différente classe sociale au final dans notre métier. Et on est multicasquette, qui permet de jamais s'ennuyer et que ce soit un métier passionnant, quoi. Mais très prenant. Les vacances, c'est quand même au téléphone. Est-ce que c'est compliqué de travailler sur un bâtiment habité par les propriétaires ? J'ai eu la chance de travailler dans des entreprises que je choisissais et qui entretenaient des liens particuliers avec les propriétaires ou les clients. C'est-à-dire qu'ils choisissaient les chantiers le plus souvent en fonction du contact avec le client. Et en tout cas, quand il s'agissait de rénovation, donc dans des bâtiments qui avaient été habités ou qui étaient encore, mettait un point d'honneur à ce qu'on puisse loger dans le bâtiment restauré. Alors, c'était pas toujours le cas, mais le plus souvent, c'était le cas. Et donc, on participait à la vie de ce lieu en même temps qu'on le restaurait. Donc, il y avait un lien encore plus fort qui se tissait avec cet endroit. Mais ce qui est caractéristique du chantier, c'est que c'est une période de vie relativement courte. On y va pendant 3 semaines à quelques mois, on y va tous les jours. Des choses avancent, on le constate chaque soir, ou presque chaque soir. On s'imprègne de ce lieu, on le vit d'une certaine manière, et puis ensuite on le quitte et c'est terminé. Dans ces périodes de rénovation, quand on a affaire au quotidien avec les clients, il y a toujours des relations qui s'installent, qui peuvent être plus ou moins cordiales, mais le plus souvent, c'est quand même un café le matin ou un café l'après-midi, ou une forme de discussion plus ou moins informelle, des sortes de points d'avancement aussi au fur et à mesure du chantier pour tenir le client informé de ce qui se passe, éventuellement même des questions posées pour savoir dans quelle direction aller quand les choses sont pas tout à fait claires. On est doté de cette confiance que font les clients pour qu'on ouvre leur toit alors qu'ils dorment juste en dessous. Et ça peut aussi donner lieu à des mauvais souvenirs où on a mal bâché le toit et il pleut dans la chambre du client pendant le week-end. Donc il y a une forme de confiance qui doit s'instaurer dans le rapport au client et qui, d'une certaine manière, rend fier, mais qui va toujours aussi un peu avec une sorte de gêne, puisqu'on est sale, on a des chaussures sales, on a plein de poussière sur les vêtements, on est souvent un peu bruyant, et malgré tout, on utilise les toilettes des clients, on partage du temps avec eux. Donc c'est des sentiments mêlés à la fois de confiance et de gêne, ou aussi parfois d'échanges autour de ce qui est en train de se passer dans la maison, dans cet espace intime qu'on est en train de transformer. Est-ce que ça vous gêne toujours, Arthur Lockman, lorsque vous travaillez, d'être sale, d'être plein de poussière, ou est-ce que... Non, je crois que c'est quelque chose que j'aime bien, et je me souviens de pas mal de fois où on allait prendre des cafés au bar d'à côté et on était content d'arriver sale et de s'accouder au comptoir et de prendre un café en bande avec nos outils dans les poches et un peu de sueur qui restait sur le carrelage du bar. Je pense pas que ce soit... Non, c'est plutôt une source de fierté. forcément une concurrence entre les équipes d'ouvriers. Un petit peu, surtout sur des gros chantiers où on a sur des tâches répétitives et similaires d'une équipe à l'autre. Sur des plus petits chantiers, les tâches ne sont pas comparables, donc il n'y a pas forcément cette compétition. On en a un peu, mais ça fait aussi partie, nous, je veux dire, on joue dessus aussi sur des grands projets, mais pour essayer de tirer la production vers le haut, de jouer sur cette émulation et de mettre les équipes en concurrence pour arriver à leur faire gagner une journée sur un bétonnage. C'est bête, mais ce qui fait qu'on rentre aussi dans nos budgets et dans nos plannings, c'est au quotidien qu'on arrive à tenir les dates de bétonnage quand on dit on va bétonner le mardi ou tous les jours ou tous les deux jours. C'est l'enjeu, il est là. Si on perd une journée toutes les semaines, mais à la fin de l'année, ça fait beaucoup. Et donc, c'est cette compétition entre équipes qui est aussi un des leviers qu'on a pour challenger les équipes et faire que ils vont se battre pour aller bétonner, même s'ils doivent finir à 20h, plutôt que de repousser le bétonnage au lendemain. Les chantiers. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Avec Rudy Ricciotti, architecte, Jean-Luc Trottin, ingénieur, Marc Elmarche, conducteur de travaux, Benoît Lapostol, ingénieur, Luc Wesman, architecte, Jean-Luc Lemoine et Jean-Bernard Payet, conducteur de travaux et charpentier, Aurélie Ouzineb, charpentier et architecte, Arthur Lockman, écrivain et charpentier, Maude, peintre en bâtiment, Victor Fellbach, chef de poste, Clément Humbert, conducteur de travaux. Et la peintre décoratrice, les couvreurs, l'agent de sécurité, le superviseur du tunnelier, le maçon. Prise de son, Nicolas Mathias, Jérémy Tuile, Raymond Albuy et Fabien Gousset. Recherche INA, Clary Monac. Mixage, Bruno Mourlan. Merci à Romain Boursier et Anne Bloch-Lenné. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en creusant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, les codes du bâtiment. Mais pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.